بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Donc c'est notre deuxième assise autour de cette noble conférence de son éminent Cheikh Al-Fawzan حفظه الله, dont le titre الفقه في الدين عصمة من الفتن. Dans le titre, la compréhension de la religion est une protection contre les fitanes. Et combien nous avons besoin, frère en Allah, Azza wa Jal, de nous protéger de la fitna. Et combien nous avons besoin de comprendre comment faire face à la fitna. Et ceci ne serait, on ne pourrait l'obtenir qu'en ayant une compréhension de notre religion et qu'on comprend ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala et ce que veut de nous son messager alayhi salatu wassalam. Yaqul, et nous revenons à ce qu'a dit, à ce qu'a écrit Cheikh حفظه الله تعالى كذلك من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف وظهور الفرق والجماعات هذا من أعظم الفتن إلى دي حفظه الله تعالى في partie des grandes fitna la fitna de la division et de la divergence et la fitna de l'apparition des groupes et ça c'est l'une des grandes fitna. يقول وهذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة السمع والطاعة يعني لولاة الأمور المسلمين لما في ذلك من اجتماع الكلمة وقوة الأمة وهيبة الأمة أمام أعدائها إذا اجتمعت تحت قيادتها وتحت ولايتها المؤمنة فإن ذلك يجعل للأمة هيبة وقوة. Il dit, Abdallah Allah Ta'ala, et parmi les grandes divisions, les grandes fitnas, c'est la fitna de la division et de la divergence, et l'apparition des groupes, ça, c'est une énorme fitna. Il dit, c'est quelque chose que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a annoncé, comme il est dans le hadith d'Ul Irbad ibn Sariya, qui a dit, radiyallahu anhu wa arda, que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam leur a fait une exhortation très forte. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté d'une exhortation très forte. Les cœurs ont frémi de cette exhortation. Les yeux ont coulé, ont fait couler leurs larmes. Et nous avons dit au messager d'Allah, c'est l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Conseille-nous, ordonne-nous des choses. Et il a dit, je vous ordonne le fait de préserver les droits d'Allah, at-taqwa, et le fait d'écouter et d'obéir. D'écouter et d'obéir, c'est à qui? Au gouverneur, à ceux qui tiennent les rênes des musulmans, hein? Parce que, et aux hommes de science, parce que, Oulat al-Amr chez les musulmans, ce sont les hommes de science et à leur tête aussi les gouverneurs. Parce que, dans le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur, il y a l'union, il y a l'union, il y a la force de la communauté, il y a que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala comptent. Les musulmans obéissent à leur gouverneur, ils ont peur d'eux, parce que quand la communauté est unie autour de son leader, de son gouverneur, hein, et sous la tutelle d'un croyant, et une tutelle de croyance, cela lui donne la force, et les ennemis d'Allah la craignent de loin. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد يعني لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان بل اسمعوا واطيعوا ما دام أنه يأمر بطاعة الله il dit حفظه الله et Rasul صلى الله عليه وسلم dit et le fait d'écouter et d'obéir même si c'est un esclave qui vous gouverne ça veut dire ne dénigrez pas votre gouverneur ne dénigrez pas ceux qui tiennent les rênes hein? et malgré N'importe qui il soit, mais vous devez écouter, obéir tant qu'il leur donne l'obéissance à Allah. يقولوا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. يقول الشيخ حفظه الله هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف بين المسلمين وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. Il dit حفظه الله تعالى ça c'est une annonce du messager عليه Salam, comme quoi il va y avoir la divergence entre les musulmans. Et alayhi salatu salam, il ne parle pas de ses propres passions. Fala buddan yaqa'a ma akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam in ajilan aw ajilan. Donc il est obligatoire qu'il arrive ce qu'a annoncé alayhi salatu salam. Tout tard, ça doit arriver. فسيرى اختلافا كثيرا il verra beaucoup de divergences ما قال سيرى اختلافا فقط بل قال كثيرا et il a dit il verra beaucoup de divergences il n'a pas dit il verra une divergence seulement mais il a dit beaucoup de divergences ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينجي من شر هذا الاختلاف فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الآراء والأفكار Et après Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a orienté vers ce qui va faire sauver et vers l'issue pour être sauvé de cette divergence. Et il a dit, cramponnez-vous à ma sunna, et à la sunna des khalifs bien guidés après moi, mordez dessus avec vos molaires et faites attention aux nouveautés, car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الآراء والأفكار والمذاهب والجماعات والفرق لكنه أوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون إلى دي حفظه الله تعالى أنسي الرسول صلى الله عليه وسلم a annoncé à la communauté ce qui va arriver comme divergence dans les opinions dans les pensées dans les voix les groupes les partis ainsi de suite mais il a ordonné aussi à la communauté de se cramponner au livre d'Allah et à sa sunna alayhi salatu wassalam et à la voie sur laquelle étaient les khalifs bien guidés فإن ذلك ضمانة النجاة لمن عمل به أما من أفلتت يده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الخلفاء الراشدين فإنه سيضيع مع هذه الفرق المختلفة إلدي حفظه الله تعالى Que ceci, le conseil qu'a donné le Rasoul صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a donné le fait de se cramponner au livre d'Allah et à sa sunna et à la voie sur laquelle étaient les khalifs bien guidés, il a dit ça, c'est la garantie pour être sauvé. Celui qui le met en application, et il va être dans une voie dans laquelle il va avoir la sécurité, la garantie pour être sauvé. Quant à celui qui s'éloigne de la sunna, du messager alayhi sallam, il a voie des khalifs bien guidés, celui-là, il va se perdre dans ces groupes qui sont en divergence entre eux. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi khutabihi wa muhdathatihi ومحادثاته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. Il disait aussi dans ses khutabs et dans ses discours qu'il imitait عليه الصلاة والسلام: la meilleure des paroles étant le livre d'Allah, et la meilleure des guidées étant la guidée de Muhammad alayhi salatu wasalam, et les pires des situations, ce sont les nouveautés. Dressez les nouveautés dans la religion, et toute innovation est un égarement. Restez dans le groupe, car la main d'Allah est avec le groupe, et celui qui se marginalise, il se marginalisera dans le feu de l'enfer. فبين صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة من الفتن وهي التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من محدثات الأمور إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم قال وعليكم بالجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم comme dit Cheikh ici nous a montré comment les moyens pour être sauvés de la fitna et des fitanes et de toutes les fitanes. Comment son moyen, c'est le fait de se cramponner au livre d'Allah et de se cramponner à la guidée, à la voix du messager alayhi salatu wasalam et à la sunna du messager alayhi salatu wasalam, et de faire attention à toute nouveauté dans les situations. Car il disait alayhi salatu wasalam: la meilleure des paroles étant le livre d'Allah, et la meilleure des guidées étant la guidée de Muhammad alayhi salatu wasalam, et les pires des situations, ce sont les nouveautés. Et il a dit après: cramponnez-vous et restez avec le groupe, cramponnez-vous et restez avec le groupe. يقول: هذا أيضا من أسباب النجاة أن المسلم عند ظهور الافتراق والاختلاف والجماعات المتنوعة يكون مع جماعة المسلمين الجماعة التي كانت تسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسير على منهج المتكلمين أو الجدليين أو المبتدعين وإن تسموا بأسماء براقة خداعة إلا أنها لا تغر أهل الإيمان. Il dit حفظه الله تعالى: ça c'est aussi un des moyens pour être sauvé le musulman quand apparaîtront les divisions et les divergences et les groupes et les partis divers. Il doit être avec le groupe du musulman, le groupe qui marche sur les pas du prophète عليه الصلاة والسلام, le groupe qui est sur la voie du messager عليه الصلاة والسلام. Il ne doit pas aller dans les groupes, suivre les voies des spéculateurs ni de ceux qui litigent sur la religion, ni des innovateurs, même s'ils se donnent des noms qui attirent et des noms qui font tomber et qui attirent, sauf que ces noms, les gens de la foi ne se feront pas avoir par ces beaux noms et par ces noms clinquants et par ces noms qui ont une résonance clinquante. فأهل الإيمان يأخذون بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. Les gens de la foi prennent ce que leur a conseillé le Rasoul صلى الله عليه وسلم, ce que leur a ordonné le messager عليه الصلاة والسلام. Et frère en Allah Azza wa Jal, on fait partie de cette communauté de la foi. Donc frère en Allah Azza wa Jal, il nous incombe à tous, hein, de nous cramponner à ce que nous a ordonné le Rasoul صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالجماعة جماعة المسلمين. Il dit: et restez avec le groupe, et restez dans le groupe des musulmans. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة: قال: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إيه الذي حفظه الله تعالى. Et ceci, c'est comme la parole du prophète عليه الصلاة والسلام dans le hadith du groupe, le hadith de la division de la communauté. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes, et les chrétiens en 72 groupes, et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous au feu de l'enfer, sauf une. Il lui a dit: laquelle, ya Rasulallah? Il a dit: ceux qui sont sur la même voie, sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. ceux qui sont sur la même voie que le messager alayhi salatu wasalam et ses compagnons, ceux-là qui vont être sauvés, c'est ceux-là le groupe victorieux à l'islam, c'est ceux-là le groupe qui est comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là, ikhwat al-islam. هذا مثل قوله وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فالجماعة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كانت قليلة. ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة بل من شرطها أن تكون على الحق ولو كانت قليلة والكثرة ليست دليلا على الحق. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. Frère Allah Azza wa Jal, et faites bien attention à cette phrase et à ce passage de son éminence Habibullah Ta'ala pour ne pas tomber dans les ambiguïtés. Et le groupe et Rasoul et ceci est similaire, c'est-à-dire la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons aujourd'hui, cette parole est similaire à la parole du prophète alayhi salam, restez dans le groupe car la main d'Allah est avec le groupe. Et le cher de nous comprendre c'est quoi le groupe. Le groupe, c'est ceux qui sont sur la même voie sur laquelle était le messager alayhi salam et ses compagnons, même s'ils sont peu nombreux. La condition, ça ne fait pas partie des conditions du groupe qu'ils soient nombreux, mais l'une des conditions principales de ce groupe, c'est qu'ils soient sur la vérité à l'islam. Capte bien ce message de la part du noble cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Et la condition, c'est qu'ils soient sur la vérité, même s'ils sont peu nombreux. Le nombre et le fait qu'ils soient nombreux n'est pas une preuve sur la vérité, car il est dit dans sourate Al-An'am, les bestiaux, chapitre 116, et si tu oublies à beaucoup parmi ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer de la voie d'Allah, car ils ne suivent que les fausses suspicions, qui sont rien devant la vérité. يقول حفظه الله ما داموا يتبعون الظن فإنهم يضلون عن سبيل الله ولو كانوا آلاف الألوف أو مئات الألوف أما من كان على الحق فإنه هو الجماعة وهو الفرقة الناجية المنصورة وهو الطائفة المنصورة ما دام أنه على الحق ولو كان واحدا أو عددا قليلا هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ولكن هذا يحتاج إلى صبر. Il dit Habibullah Ta'ala, tant qu'ils suivent les fausses suspicions, donc ils vont s'égarer de la voie d'Allah, même s'ils sont des milliers, même s'ils sont des millions. Mais quant à celui qui est sur la vérité, celui-là c'est le groupe. Quant à ceux qui sont sur la vérité, ceux-là ce sont le groupe. Et c'est le groupe victorieux. Et c'est le groupe victorieux. Et la fraction victorieuse, tant qu'il est sur la vérité, même s'il est tout seul, ou peu de personnes sont avec, ou un petit nombre, peu importe, c'est le groupe sauvé, c'est le groupe victorieux, ce sont eux les gens de la sunna, et les gens de l'unanimité du groupe, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, restera une fraction de ma communauté sur la vérité, et apparent sur cette vérité, peu importe, ceux de l'intérieur qui vont le faire faiblir, qui veulent les faire faiblir, ou ceux qui sont en divergence avec eux, jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Habibullah Ta'ala, mais ceci a besoin de patience, à l'islam. Parce que, pourquoi on a besoin de patience? Parce que, il faut pas avoir peur du petit nombre. Ah, non plus, il faut pas se faire avoir par ceux que tu crois qu'ils sont avec toi et qui veulent te faire faiblir. Quant aux divergents, ils sont clairs, ils sont devant toi. يقول حفظه الله فالمتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما عليه الجماعة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يحتاج إلى صبر خصوصا في آخر الزمان. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, faites de se cramponner à la voie sur laquelle était le messager, alayhi salatu wasalam. Il se cramponnait à la voie de l'unanimité du groupe, se cramponnait à la voie sur laquelle, du groupe sauvé, et se cramponner à la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, cela a besoin de patience et d'endurance. Surtout à la fin des temps. يقول لأنه في آخر الزمان المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم لجماعة المسلمين يلقى مشقة عظيمة كما جاء في الحديث أنه يحصل في آخر الزمان فتن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك يحتاج إلى صبر الذي حفظه الله تعالى كاخ À la fin des temps, celui qui se cramponne à la sunna du prophète alayhi salam et qui reste dans le groupe des musulmans va rencontrer beaucoup de difficultés. Comme il est rapporté dans le hadith, il arrivera à la fin des temps des fitan. Et celui qui se cramponne à sa religion, c'est comme celui qui tient une braise dans sa main ou qui tient un bouquet d'épines dans sa main. Il a besoin de patienter. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال منكم يعني من الصحابة لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المناصر لهم كثيرا لكن المتمسك بالسنة في آخر الزمان وعند ظهور الفتن ليس له أنصار بل أكثر الناس أضداد له حتى من الذين يدعون أنهم على الإسلام يكونون أضداد له يخجلونه ويوبخونه ويخططونه ويخطئونه فيحتاج إلى صبر إلدي حفظه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم دي سلوكي se cramponne à ma sunna au moment où il y a le mal dans ma communauté il aura la récompense de ses comptes il lui ont dit Parmi nous, parmi eux, ya Rasulallah. Dis non, parmi vous, en parlant aux compagnons. Car les compagnons, à cette époque, ils avaient, avec le prophète, alayhi salam, il y avait des gens qui les faisaient triompher. Mais celui qui se cramponne à la sunna du prophète, alayhi salam, à la fin des temps, et au moment de l'apparition du fitna, il a peu de gens qui veulent, qui sont ses alliés. Beaucoup sont son contraire, ils sont contre lui. Même parmi ceux qui prétendent qu'ils sont sur l'islam, ils sont contre lui, ils lui tapent la honte, ils le blâment, ils disent qu'il est dans l'erreur, donc il a besoin de patienter. Et c'est pour ça que sa récompense était énorme, il a eu cette énorme récompense. Il dépassera pas l'islam dans les vertus du compagnon. Mais ça te prouve la valeur de la récompense qu'il aura. Mais sinon, les nobles compagnons sont au-dessus de tout ce qui viendront dans cette communauté. Et leur récompense est énorme. Mais la récompense de celui qui se cramponne à la sunna du prophète alayhi salam, à la fin des temps, est énorme. Il a l'équivalent de la récompense de 50 compagnons à l'islam. Imagine-toi dans ta tête tout ceci, quand tu es en face des fitanes. Et quand tu es en face des gens qui veulent te perturber, ou quand tu es en face des fitanines et de la fitna, imagine ceci, cette récompense. يقول فلذلك صار له هذا الأجر العظيم بسبب ثباته على الحق عند ظهور الفتن وكثرة العوارض. Il dit, c'est pour ça qu'il a eu cette énorme récompense à cause du fait qu'il est ferme sur la vérité au moment de l'apparition des fitanes et au moment où les obstacles sont nombreux. ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرباء قال طوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس إيه الرسول صلى الله عليه وسلم a décrit cela comme étant les étrangers et il a dit bonté aux étrangers طوبى c'est un arbre au paradis ou c'est une bonté que ce soit dans ce bas monde et dans le delà pour ces étrangers ils lui ont dit qui sont ceux-là ya رسول الله Il a dit ceux, quand les gens vont devenir mauvais, eux ils sont bons. Ils se cramponnent à la voix des bons. Et dans une autre version, ceux qui réparent le mal qu'ont fait les gens. يقول الشيخ حفظه الله فهذا يطلعنا على أمر عظيم سيحصل في آخر الزمان فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى التبات والوفاة على الإسلام il dit حفظه الله تعالى cela nous annonce une situation énorme qui va arriver à la fin des temps donc nous devons demander à Allah سبحانه وتعالى d'être ferme, de nous raffermir sur l'islam et de mourir sur l'islam. يقول وعلينا مع ذلك أن نجد في معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله حتى نكون مع الحق ومع أهله ونحذر من الباطل وأهله. Il a dit, et malgré tout ça, et avec tout ça, nous devons faire des efforts et beaucoup d'efforts pour connaître la vérité et les gens de la vérité, pour être avec eux et connaître le faux et les gens du faux, pour faire attention à eux. D'un côté, connaître la vérité et les gens de la vérité pour être avec eux. De l'autre côté, connaître le faux et les gens du faux pour faire attention à eux et s'éloigner d'eux. يقول وذلك إنما يحتاج إلى الفقه في الدين هذا لا يتأتى من جاهل إنما يتأتى ممن رزقه الله الفقه في الدين والبصيرة بالعلم النافع الذي يميز به بين الهدى والضلال وبين الغي والرشد وبين الحق والباطل فالنجاة من هذه الفتن العظيمة عزيزة وأنتم ترون الآن ما يموج به العالم من فتن عظيمة il dit cela a besoin nous avons besoin pour cela de comprendre la religion. Pour cela, il faut comprendre la religion, car ceci ne peut pas venir d'un ignorant. Et ceci va arriver de quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de la jurisprudence de la religion et de la compréhension de la religion, quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé avec une clairvoyance, avec la science bénéfique, qui va faire la part des choses et qui va savoir c'est quoi la guidée, c'est quoi le faux, et c'est quoi l'égarement, et c'est quoi l'orientation, la bonne orientation, et c'est quoi la déviance, c'est quoi la vérité et le faux. Il dit, et pour être sauvé de cette fitna, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose d'énorme pour être sauvé de la fitna. Et il dit, et c'est quelque chose, ça veut dire qu'il a besoin de nous qu'on retrousse nos manches. Et il dit, vous voyez les vagues de fitna qui secouent le monde maintenant. يقول من الفتن أن العالم الآن تقارب فسار ما يحدث في أقصاه يصل إلى أقصاه بسرعة ينتقل ما يحدث من الشر ومن الفسوق والمعاصي ينتقل بواسطة الوسائل الحديثة حتى يدخل في البيوت المغلقة وحتى يصل إلى البادية في البر في بيوت الشعر وبواسطة هذه الوسائل وينظرونه كأنهم حاضرون في المكان الذي حدث فيه لا بل قد يكون أوضح من المكان الذي حدث فيه Et écoutez bien ceux, les insensés, pour comprendre la situation d'insensé dans laquelle sont ceux qui disent que les hommes de science ne comprennent pas la réalité de la communauté et ce qui se trame autour de la communauté. Regardez, fait partie des fitanes, c'est que le monde il est proche maintenant. Regardez cette compréhension. Et ce qui arrive à l'autre bout du monde arrive à l'autre côté du monde avec une rapidité énorme. Le mal qui arrive quelque part aux antipodes de la terre, il arrive de l'autre côté très vite. Ces nouvelles, il est annoncé directement. La perversité, la désobéissance, tout est transmis par ces moyens de transmission. Ces grands moyens modernes de transmission, ils rentrent dans les maisons qui sont fermées. Ils arrivent même dans les déserts, sous les tentes, en poil de chèvre. Ils arrivent par ces moyens et ils le regardent comme s'ils sont présents dans l'endroit où ça s'est passé. Et des fois, le mal qui est transmis sur les chaînes, sur ces moyens de transmission, il est beaucoup plus clair et il le voit mieux que la place où il s'est passé. Hada. Et après on dira que les hommes de science ne comprennent pas les situations. A'oudou billah. يقول حفظه الله هذا من الابتلاء ومن الامتحان يموج العالم الآن بالفتن فتن الشهوات وما أكثرها وفتن الشبهات والضلالات والإلحاد وما أكثر ذلك. Il dit ça fait partie des épreuves, ça fait partie des examens et le monde, des vagues de fitan le secoue, les fitan des tentations, ils sont nombreux. Les fitanes des ambiguïtés et des équivoques, ils sont nombreuses. Les fitanes de l'égarement, de l'athisme, ils sont nombreuses. Il dit, « Wa kullu hada » يصدر إلى العالم أقصاه وشرقه وغربه جنوبه وشماله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. Il dit tout ceci est exporté dans le monde et au fin fond du monde, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde. يقول هذا يحتاج من الإنسان إلى بصيرة يحتاج إلى أخذ الحيطة يحتاج إلى معرفة هذه الأضرار الوافدة حتى يتجنبها. Il dit l'être humain devant ça il a besoin d'une clairvoyance, il a besoin de faire attention, il a besoin de connaître le mal pour s'en préserver, pour connaître ce mal qui arrive vers lui pour s'en préserver, et il a besoin de compréhension, de jurisprudence, hein, et de science pour s'en préserver. يقول أما الإنسان الذي ليس عنده بصيرة وليس عنده علم وليس عنده فقه ربما يعتبر هذا من الرقي ومن التقدم. بعضهم يعتبر هذا من النعم وأن هذه وسائل ثقافة ووسائل رفاهية وما يدري ما ينطوي عليه هذا الأمر من الخطورة وما يحمله من الشر. Il dit quant à l'être humain qui n'a pas de science, qui n'a pas de clairvoyance, qui n'a pas de compréhension de religion, qui n'a pas de jurisprudence, peut-être qu'il va considérer ses moyens comme un moyen de progrès, ses moyens de transmission là, hein, comme un moyen de progrès. Certains les considèrent comme un bienfait ou que c'est un moyen de culture, c'est un moyen culturel, c'est un moyen pour, hein, pour s'amuser et pour, hein, c'est une passion. Et il ne sait pas le mal qui est dedans et le danger qui contient ces moyens et combien de mal il porte. يقول فالأمر عظيم جدا والفتى الآن كما ترونها تعرض على الناس تعرض على القلوب. Il dit la situation est dangereuse maintenant, la situation est énorme maintenant, les fitales comme vous le voyez sont exposées devant les gens, sont exposées au cœur. كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف منكر معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه وأي قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء فهو قلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Il dit حفظه الله تعالى, il cite la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, les fitans sont exposés au cœur comme sont exposés les brindilles qui composent une natte, brindille après brindille, branche après branche, et chaque cœur qui est imbibé de ces fitans, il y a un point noir qui est tacheté dessus, jusqu'à ce que ce cœur devienne complètement enveloppé par un voile. Il ne reconnaîtra plus le bien, il ne blâmera plus le mal, sauf ce qui correspond à ses passions, ou sauf ce qui est dans ses passions, et ce qu'il a gobé comme passion. Et tout cœur qui va la blâmer, qui va blâmer les fitaines, et qui va les rejeter, cela, il y a un point noir qui le tâche. Et ce cœur, la fitna ne lui fera aucun mal tant que les cieux et la terre existent. يقول فالفتن تعرض على قلوب الناس فأي قلب أشربها فأي قلب أنكرها ولكن القلب الذي ينكرها هو القلب الفقيه المتفقه في كتاب الله عز وجل الذي يعرف حكم الله في هذه الأمور. Il dit les fitans sont exposés au cœur des gens, hein? Et tout cœur qui les blâme, et tout cœur qui les blâme, et tout cœur qui les blâme, et il dit, mais le cœur qui va la blâmer, c'est le cœur qui a de la jurisprudence, qui comprend le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam, qui comprend le livre d'Allah, qui sait les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant cette situation. Qui sait, il dit, et le cœur qui blâme ce n'est pas n'importe quel cœur, c'est le cœur qui a de la jurisprudence, qui comprend le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant cette situation et ces choses. يقول أما الجاهل فقد تنطلي عليه أما الجاهل فقد تنطلي عليه وقد يعجب بها ويعتبرها من الحضارة والرقى وأن الابتعاد عنها يعتبر من الجفاء والجلافة كما يقولون. Il dit quant à l'ignorant, il va se faire avoir par ces choses, par les fitanes. Il va être ébahi devant ces fitanes. Il va les considérer comme une civilisation, comme du progrès. Et le fait de s'en éloigner, c'est du laxisme, comme ils disent. Et il dit, وَالْحَقُّ إِنَّهُ لَا عَاصِمَ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ إِلَّا مَا جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَاصِمًا مِنْهَا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il dit, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Mais la vérité, la protection pour être protégé de ces fitnas, c'est la protection, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait comme protection. Il n'y a pas d'autre protection que celle que Allah subhanahu wa ta'ala a montrée et a mis comme protection. Et fait partie de ces protections, le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi sallam. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Il est dit dans le verset Sourate Ibrahim, verset 1, un livre que nous t'avons descendu pour que tu sors les gens des ténèbres vers la lumière avec l'ordre de leur souverain de les ramener vers la voie du fort et du loué. وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Il est dit dans notre verset Sourate Araf, verset 3, suivez ce qui vous a été descendu de votre souverain et ne suivez pas d'autres alliés d'or d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu vous allez vous rappeler. وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. Il est dit dans notre verset dans sourate l'Isra, verset 9 à 10, et ce Coran guide vers la voie droite. Il annonce les bonnes nouvelles aux croyants qui œuvrent, qui font les bonnes œuvres, qu'ils auront une énorme récompense, et que ceux qui n'y croient pas, qui ne croient pas en l'au-delà, ne leur réservons un énorme châtiment. Wa qala subhanahu wa ta'ala في سورة في أول سورة البقرة التي هي ثانية سور سورة في المصحف الشريف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Et il dit, Hafidahullah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la première des sourates, au début de la sourate, de sourate la vache, qui est la deuxième sourate dont le mushaf, le noble mushaf, dit Alif Lam Mim, ce livre, dans lequel il n'y a aucun doute, est une guide pour ceux qui préservent les droits d'Allah, ceux qui croient en l'invisible et qui accomplissent la prière, qui dépensent un peu de la subsistance que nous leur avons donnée, et ceux qui croient en ce qui t'a été descendu, ce qui a été descendu avant toi, et ils ont la certitude sur le delà, ceux-là sont sur une guidée de leur souverain, et ceux-là ce sont ceux qui ont réussi et qui réussissent. ذكر الله في مطلع هذه السورة أن القرآن هدى للمتقين للمتقين خاصة ثم بين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ثم حكم لهم بالفلاح والهداية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إيه Il dit, Hafidahullah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala annonce au début de cette sourate que le Coran guide ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a montré qui sont ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ces muttaqoun, ceux qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent un peu de la subsistance que nous leur donnons, et ceux qui croient en ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu au prophète avant toi, et ils ont la certitude sur le delà. Et il a décrété comme quoi ceux-là sont dans la guidée, sont dans la réussite. Ceux-là sont dans la guidée de leur souverain et ceux-là sont dans la réussite. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار الصنف الثالث وهم المنافقون يا بخي لا سيتي لي دو اوتر كاتيجوري كي سون لي ميكريون اي لا ترويزيام كاتيجوري كي سون لي زيبوكريت لا سيتي دو اوتر كاتيجوري لا بروميير ايتون الكفار لي ميكريون اي لا دوزيام ايتون لي زيبوكريت اي نو زالون اريتي لا ان شاء الله بور اوجوردي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا